Eh bien bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Fadjet. Voici une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires, conçue par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Pour ce mois-ci, de nouveaux bons plans, conseils en tout genre, pour vous faciliter la vie, mais aussi de la musique. Notre jeu habituel et plein de bonne humeur sont au programme. Toute l'équipe de la Dream Team est prête, alors je vous la présente sans plus tarder. C'est parti. Alors ce mois-ci, il y a beaucoup de monde dans le studio, et tant mieux. La Dream Team sera composée de Khadija, notre petite nouvelle chroniqueur. Bonjour Khadija. Bonjour, bonjour tout le monde. Il y aura Alain, bonjour Alain. Bonjour Lionel, bonjour Padjet. Il y aura aussi Bertrand, salut Bertrand. Salut Lionel, bonjour à tous. Il y aura Joël, salut Joël. Bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Et notre invité qui est Christine Babou de l'association Imagine Ulysse. Bonjour tout le monde. Alors, dites-moi les chroniqueurs, le mois de février, ça représente... quoi pour vous? Toi là par exemple? Moi ça représente les beignets. Oh, on y reviendra, ne disons rien. Allez, et toi Joël? Le carnaval de Nice avec les chars et les oranges. Et les oranges, oui. Voilà. Alors qu'à Menton? C'est les citrons. Et à toi Lionel? Et moi, bah, c'est le carnaval de Dunkerque, qu'on est à l'autre bout de la France. Hein. Mais c'est le grand défilé. Et à 14h le dimanche, le lancer de Haran par le balcon de la mairie de Dunkerque. Ça vaut le coup. Je conseille à tout le monde d'aller faire un petit tour un jour à Dunkerque. Khadija, toi, tu voulais, je crois, pour le mois de février, nous lire une petite poésie. Oui, c'est un poème de Auguste Angélier, c'est pour la Saint-Valentin. Oh, alors on écoute ton poème. La Saint-Valentin, à Léopold de la Cour. Février vient, c'est la Saint-Valentin. Février vient, il fait rougir les sols. Et sous les rayons d'un soleil argentin, encore frileux découvert ses épaules. Dès que ciel gris, c'est la Saint-Valentin. Dès que ciel gris, un peu d'eau prochain. Un pli d'argent et toujours un destin ont soulevé les ombres sur la baleine. Tous les oiseaux, c'est la Saint-Valentin. Tous les oiseaux, rouges, gorges, fauves, merles, jets, piques, tout le peuple mutin, des moineaux, francs, les vives alouettes. Se réveillant, c'est la Saint-Valentin. Se réveillant et secouant leurs plumes, d'un fou désir et d'un vol incertain. Se sont cherchés dans les derniers bruits. Dans les buissons, c'est la Saint-Valentin. Dans les buissons, l'hilière et les haies, où le haut vert offre un rouge festin. Dans le ruisseau, les alliés et les coudrés. Dans le vieux mur, c'est la Saint-Valentin. Dans le vieux mur, plein de roses nouvelles, se fait des cris, des chants, un bruit lointain, des gazouilles et des battements d'ail. Tout y changer, c'est la Saint-Valentin. Tout y changer et palpitant de joie. Même propre tendre ou leste ou libertin. Après lequel il faut qu'on se tutoie. De temps en temps, c'est la Saint-Valentin. De temps en temps, se détacher un couple et tous les deux avaient bientôt atteint. Pour y cause tout seul, un rameau souple. Puis y chercher, c'est la Saint-Valentin. Puis y chercher les branches élevées où l'ombre touffe et boutir leur destin, et faire un nid au futur couvé. Et tous les jours, c'est la Saint-Valentin, et tous les jours se fait des mariages conclus sans prêtre et franc de sacristain, et dans les lits sont les premiers feuillages. Voici le soir, c'est la Saint-Valentin, voici le soir sortant de ses repères, l'ombre a rompu vers le soleil éteint, tous les oiseaux sont endormis, par Pierre. Bravo! Pour une première, Khadija, c'était parfait. Allez, on continue le petit tour de table. Et toi, Bertrand, février, après la Saint-Valentin? Alors, février, ben pour moi, ça m'évoque un froid sec, un beau soleil. Et puis, c'est également l'occasion pour ceux qui sont nés le 29 février de fêter leur anniversaire une fois tous les 4 ans. Et également, c'est un mois où on a des fins de mois un petit peu plus difficiles, parce que le mois est plus court. Et accessoirement, tant qu'à parler de la Saint-Valentin, je voulais signaler deux anecdotes. Le 14 février 1876, Alexandre Graham Bell a déposé le brevet de ce qui allait devenir le téléphone, qui est quand même une invention qui a eu un petit succès encore de nos jours, en fait, oui. On s'en sert un peu. Et le 14 février 1879, la Marseillaise est devenue l'hymne national officiellement, donc sous la Troisième République, depuis maintenant, ça fait 150 ans à peu près. Oui, 140 plutôt. Composé et par voilà. Rouget de Lille. Bravo Bertrand. Donc il faut dire quand même que la Marseillaise était devenue un hymne officiel de la République au début, donc ça avait été voté par la Convention, ça avait été annulé après, sous l'Empire, et puis on ne sait pas pourquoi, ils ont attendu 1879, le 14 février précisément, 1879, pour re-voter une loi, pour refaire officiellement, puisque le Troisième Empire était quand même tombé depuis 1870. Donc la République est, apparemment n'était pas spécialement pressée de nous remettre la Marseillaise, mais voilà, ils l'ont fait quand même. Eh bien merci Bertrand, et merci à vous tous les chroniqueurs de nous avoir dit ce que vous pensiez du mois de février. Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre invité. Bonjour Christine Babou. Bonjour. Vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Alors, je suis Christine Babou, je suis coordinatrice à l'association Imagine. Pouvez-vous nous expliquer succinctement aux auditeurs de Fadjet qui est l'association Ulysse et Imagine ? Alors, Ulysse, c'est une fédération de 6 associations. Elle comprend 2 pôles. Un pôle prévention spécialisée, avec à sa tête Jeunes et Cités, et un pôle insertion, avec 5 associations. Il y a Imagine et 4 structures IAE. Donc Imagine a été créée en 1988. Au départ, c'était pour accompagner des allocataires du RMI. Et Imagine, elle a pour objet donc, la mise en œuvre d'actions d'accompagnement social et professionnel pour des personnes en difficulté, pour les aider à acquérir des savoir-faire, des savoir-être, pour les aider dans leur autonomie. Dans le cadre donc d'Imagine, vous avez lancé, il y a peu de temps, une nouvelle action qui s'appelle l'engagement bénévole. Quelle est cette nouvelle initiative et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, cette nouvelle action a démarré en janvier 2023. Elle s'adresse à des allocataires du RSA et elle vise à leur proposer de réaliser des heures de bénévolat selon leur envie, leur aptitude, leur centre d'intérêt et leur disponibilité. C'est une action nouvelle que porte notre association depuis peu. Donc, après, si on veut un tout petit peu préciser, il y aura des personnes qui seront orientées vers Imagine. Nous avons une personne qui est chargée de faire cet accompagnement. Elle va les recevoir, elle va les aider à construire leur projet bénévole. Parce que certaines personnes ont peut-être envie de faire du bénévolat, mais ne savent pas toujours dans quel domaine et en fonction de ce qu'elles vont nous donner comme information, nous allons construire un projet bénévole personnalisé. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnement à la mise en œuvre du projet, mais aussi à l'accompagnement durant la mission bénévole. On va trouver la structure d'accueil pour la personne, on va la mettre en relation et il y aura une convention pour encadrer cette action bénévole. Oui, on est bien d'accord, Christine, qu'il ne s'agit pas d'obliger les gens à faire du bénévolat. C'est la personne qui a un passe-temps, qui a une envie, qui voudrait, qui ne connaît pas forcément les associations du secteur. Et là, il va pouvoir y avoir un rapprochement qui va lui permettre de donner quelques heures dans le cadre d'une action qui lui ferait plaisir, où il faut donner un petit coup de main. On est bien d'accord. Hein. Oui. Les personnes sont volontaires. Voilà. On part vraiment de leur désir, de leur envie, de leur disponibilité. Voilà. Il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment pour permettre à la personne. Donc, elle va agir. Déjà, elle va se sentir utile, mais également agir pour les autres. Voilà, c'est un peu quand la même chose que quand le GSA propose de participer à la fête des Lumières de l'UP2V à Vendeuvre ou d'autres manifestations. Voilà, ça nous fait plaisir et en même temps, ça rend service à tout le monde. Voilà. Alors, on avait Bertrand, un de nos membres chroniqueurs, qui avait une question à vous poser, Christine. Oui, je voulais savoir, quand on était allocataire du RSA, est-ce qu'on avait vraiment le droit de faire du bénévolat ? Est-ce qu'on risquait pas de perdre le bénéfice du RSA ? Alors, un chercheur d'emploi allocataire du RSA a le droit de faire du bénévolat. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Lorsqu'on est inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi, le Pôle emploi nous demande d'être disponible pour notre recherche d'emploi. Ce qui fait que lorsqu'on s'engage dans une mission bénévole, on doit rester quand même disponible pour notre recherche d'emploi. Ce qui fait qu'il faut que notre action bénévole soit compatible avec notre souhait de toujours poursuivre notre recherche d'emploi. D'accord. Donc c'est parfaitement possible. C'est vrai que ça a été un vieux fantasme pendant de longues années, où on disait aux gens, si vous êtes locataire du RMI ou du RSA ensuite, vous n'avez pas le droit, pas le droit de faire du bénévolat. Non, bah les choses ont complètement changé aujourd'hui. On se dit que le bénévolat peut aussi, et on voit le cas dans toutes les associations où il y a des gens qui en font, peut permettre aussi ensuite, dans une deuxième étape, d'amener les gens à retrouver du travail, et ça c'est une bonne chose. T'avais aussi une autre question à poser, Bertrand. Oui, ben non, ben j'ai la réponse, parce qu'en fait on doit y consacrer une durée minimum ou maximum de toute... Si on est chercheur d'emploi, on doit quand même rester disponible pour trouver un emploi, donc ça veut dire qu'on ne peut pas être à plein temps bénévole. C'est ça, donc c'est vrai que c'est si tout, on est à plein temps, cela signifie que nous ne sommes plus du tout disponibles à l'emploi, donc... Ça, c'est interdit. Mais si on veut réaliser, il faut que ce soit, il faut garder hein, cette dimension de disponibilité pour sa recherche d'emploi. Pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, à Pôle emploi et qui sont dans le cadre d'un parcours de recherche d'emploi. Pour d'autres personnes qui ne sont pas, qui sont locataires du RSA et qui, pour X raisons, ne sont pas en capacité de travailler actuellement, il est possible de faire du bénévolat, mais c'est pas non plus à temps plein. Hein. Être bénévole, ça peut être quelques heures dans la semaine, ça peut être quelques jours dans le mois, ou dans la semaine, etc., selon les associations vers lesquelles on va se rapprocher. Mais si on imagine que j'ai un projet peut-être un peu particulier, je viens vous expliquer mon projet et c'est vous qui me trouvez la structure la plus adaptée à mon envie, par exemple, d'action. Voilà, donc vous êtes rencontrés dans le cadre d'un entretien. L'entretien va permettre de faire un diagnostic sur votre désir hein, d'engagement et nous allons co-définir avec vous votre projet. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une envie de travailler autour du bien-être animal, la cause animale, hein, c'est un domaine qui vous intéresse, eh bien nous allons trouver une structure sur le secteur, en fonction aussi de votre disponibilité, mais aussi par rapport à vos déplacements, puisque si vous êtes limité, nous allons vous trouver une structure à proximité pour vous permettre de réaliser cet engagement. D'accord. Et éventuellement, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une dame l'année dernière qui nourrissait des chats errants sur ses propres deniers. Donc, est-ce qu'éventuellement, elle pourrait avoir moyen de venir vous voir, vous dire, tiens, ma passion, ce sont les chats errants. J'ai pas beaucoup d'argent, je paye les croquettes de ma poche. Est-ce que vous pourriez me trouver une structure qui finance Alors, en sachant que... Rappelons, l'action est à destination des allocataires du RSA, puisqu'elle est portée par le conseil départemental. C'était une dame qui était au RSA. Alors, donc, en ce sens, nous allons voir, étudier hein, sur le secteur toutes les associations qui travaillent dans le bien-être animal et qui pourraient trouver peut-être un moyen de lui financer les denrées alimentaires qu'elle est amenée elle-même hein, sur ses deniers à offrir à ces petits animaux errants, mais qui nous font beaucoup de bien. Par exemple, je donne un exemple dans ce domaine-là, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai des personnes qui étaient allocataires du RSA et qui adoraient les chats. Et je les ai rapprochés de la SPA, par exemple, et ils sont devenus famille relais, accueil. Mmh. C'est-à-dire que quand les gens vont en vacances, ils accueillent les animaux, alors contre eux, effectivement, la nourriture, etc. Mais tout ça est dans un cadre associatif. C'est pas une initiative individuelle. Mmh. Il faut qu'il y ait quand même derrière un cadre associatif qui valide et qui reconnaisse la personne comme étant bénévole. On ne peut pas être bénévole pour soi-même. On peut être bénévole pour une association. C'était son truc, je me souviens d'elle comme ça. Oui. Je me suis dit, tout est possible, quelle que soit l'idée. C'est ce que Imagine essaie de faire avec la personne, c'est-à-dire trouver un support qui lui permet de s'occuper de sa passion. Voilà. Alors, en sachant aussi qu'il y a la Fondation Brigitte Bardot, qui aide aussi les personnes à faible revenu, alors même pour des personnes qui ont des animaux et qui n'ont pas forcément toujours les moyens pour des soins de vétérinaire. Donc, la Fondation Brigitte Bardot aide aussi ces personnes. Donc, si c'est dans un cadre bénévole, donc la personne, elle sera accompagnée, mais si c'est dans un cadre individuel, il y a aussi des solutions qui existent. D'accord. Bon, bah, merci. Toujours. En tout cas, en se rapprochant d'associations, c'est vrai qu'on récupère quelquefois des infos qu'on ne connaît pas soi-même, et c'est toujours une bonne chose. Bah, merci beaucoup, Christine. Vous pouvez rappeler les coordonnées. On a dit que c'était bien une action en faveur des allocataires du RSA. Et comment on fait si quelqu'un est intéressé pour venir vous voir? La procédure. La personne contacte l'association, j'ai donné le numéro de téléphone. Ma collègue Manon Olivero est en charge de l'accompagnement de ce dispositif. Donc au 06 70 33 53 96. En sachant que les personnes qui sont allocataires et qui sont accompagnées par des professionnels de l'insertion, leur accompagnateur peut prendre rendez-vous pour ces personnes ou nous contacter pour pouvoir établir un contact et permettre à ces personnes d'être reçues dans nos locaux pour pouvoir eh bien, accompagner ce projet bénévole. Et Imagine se trouve... Alors, Imagine se trouve à Maxéville, au 4 avenue Patton. Donc, le bus qui y mène, c'est le bus, le T2, hein, le bus 2, qui y va au plateau de Haye, l'Axou. Et l'arrêt de bus, c'est l'arrêt Montée-Pinchard. L'arrêt Montée-Pinchard est dans la rue Patton. Les personnes, ensuite, ont juste à peu près 50 mètres pour arriver jusqu'au numéro 4, avenue Patton. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christine. Eh bien, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et puis, je voulais juste rajouter que quand on accueille une association, une initiative, on aime bien, quelques mois plus tard, se revoir et puis voir où on en est et donner plein de bonnes nouvelles aux auditeurs de Fadjet. Donc, on se dit à bientôt. Eh bien, à bientôt. Et puis, ce sera avec plaisir. Au revoir. Eh bien, il est l'heure maintenant de retrouver notre première pause musicale. Il s'agit de Linda Lemay qui revient enfin en France pour une grande tournée dans l'Hexagone avec ses tubes et son dernier album intitulé Yakapa. On la retrouve avec son tout dernier single qui égratigne les mâles et les machos sur un air andalou arabe et qui s'appelle Maintenant. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Les femmes statuent des encres, autant que les hommes s'épilent le torse. Maintenant que les femmes brassent des affaires, autant que les hommes tiennent des biberons. Maintenant que les mâles font la tourtière, qui se font manger au réveillon par des femmes aux bedaines de bière, qui portent fièrement le pantalon déboutonné à la lisière d'un spectaculaire buisson. Maintenant que les femmes ont assez de couilles pour initier la grande demande. Maintenant que les femmes s'agenouillent sans oublier qu'elles restent grandes. Maintenant que le quart des princes charmants s'enduisent les ongles de vernis, farcissent les oreilles de diamants avant toute bonne cérémonie. Maintenant que les femmes se bodybuildent pendant que les hommes se prennent des smoothies, que les femelles parlent de bolides pendant que les hommes se prennent en selfie. Maintenant que les hommes ont la voix douce autant que les femmes ont des gros grains. Et maintenant que les hommes vont faire les courses, un chihuahua dans le sac à main. Maintenant que les hommes ont des petites frousses le soir dehors, quand il fait noir, quand il y a des soulins à leur trousse et que ça les fait changer de trottoir. Maintenant que les hommes sont enfin libres de porter le kilt ou bien la toge, et que les femmes sont enfin libres de foutre en feu leur soutien-gorge. Maintenant que les copains, copines s'en vont se cacher au même endroit pour se faire gonfler un bout de babine ou se faire amputer une patte de doigt. Maintenant que les filles autant que les gars pratiquent le jeûne intermittent. Maintenant que Roger fait du yoga, maintenant que Rita coule du ciment. Maintenant que c'est même plus cocasse qu'un mâle sanglote d'émotion en racontant qu'à Las Vegas il est allé voir Céline Dion. « Maintenant que les femmes payent l'addition, après la date au restaurant, maintenant que les hommes font attention, avant de payer des compliments, puis qui draguent juste à condition d'avoir des gants blancs jusqu'au bras, puis qui pèsent juste à condition d'avoir deux doses de Moderna. Même s'il y a encore du travail à faire avant l'égalité, reste qu'à force de petits détails, on est en train de s'améliorer. Maintenant que les choses ont bien changé, qu'on est de plus en plus content, faudrait quand même pas oublier de dire merci, Jeannette Bertrand. Merci Madeleine, merci Simone, merci Gisèle, Lady Drummond. Merci Benoît, merci Josiane, merci de vous battre au nom des femmes. Merci maman, merci ma tante, petit et grand de militante. Merci aux lois qui se réforment, merci d'ouvrir les bras. Merci d'ouvrir les bras, les hommes. Eh bien, après avoir écouté Linda Lemay, on se retrouve sur Fadjet 94.2 pour la deuxième partie de notre émission des bons plans solidaires. Et il est l'heure maintenant de donner à tous nos auditeurs des bons plans, des astuces, des idées. Alors, qui commence? Je crois que c'est toi, là. Et tu vas nous parler de... beignets. Allez, c'est parti. Les beignets qui font plaisir à toute la famille. Recette simple. 500 grammes de farine blanche. Une pincée de sel fin, deux gros œufs de poule, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure boulanger et deux cuillères d'eau de rose. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients pour obtenir une boule de pâte compacte. Recouvrir la pâte 10 minutes. Fariner le plan de travail est étaler la pâte sur une épaisseur à peu près d'un centimètre et faites à votre choix vos découpes. Remplir dans une casserole un demi-litre d'huile de tournesol. Chauffez l'huile pas trop chaude mais assez. Et y mettre 2 à 3 morceaux de pâte. Une fois bien gonflé, à retirer et à mettre sur du papier essuie-tout. Et saupoudrer de sucre fariné. Vous pouvez mettre dans la pâte des fruits confits et soit 2 cuillères de rhum. Ces beignets-là peuvent se garder 3 jours. Bonne dégustation et à bientôt. Eh ben merci Alain. Et puis merci surtout de nous avoir amené un gros plat de beignets. Après l'émission, on va se régaler. Merci à toi. Allez, on continue et je crois que c'est au tour de Bertrand maintenant de nous parler d'un site internet très très très pratique. Alors oui, moi je voulais juste parler rapidement du site idealo.fr qui permet de comparer les prix. Ça ne concerne que les articles neufs, mais tout ce qu'on veut, il y a absolument tout. Donc machine à laver. Machine à laver, appareil photo, wifi, jean, enfin n'importe quoi, mais il faut que ce soit neuf et vendu sur Internet. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais comparer les prix entre, par exemple, il faut un site Internet, puisque donc c'est un site qui compare automatiquement les prix au jour le jour sur Internet vendu. Donc Darty a un site Internet, la Fnac a un site Internet, Amazon, enfin tous ceux qui vendent sur Internet. Maintenant, vous ne saurez pas si, par exemple, je veux dire n'importe quoi, telle machine à laver ou tel vêtement est moins cher chez le petit commerçant du coin, puisqu'il s'il n'a pas de site Internet, il ne va pas détecter, donc il ne saura pas. Et donc ça permet également, et c'est pas mal fait, parce que ça donne les prix franco de porc, voilà. Vous avez le prix de l'article, le prix du porc, ouais, également, qui peut varier considérablement d'un site à l'autre. Ça peut être gratuit, ça peut être payant, etc. Et le prix, tout compris, donc ça vous permet vraiment de faire des bonnes comparaisons. Donc déjà, on peut comparer sur les sites, donc grâce à ce comparateur de sites. Voilà. Mais aussi, on peut aller, du coup, voir le petit commerçant. Ah, vous pouvez aller voir le petit commerçant du coin à côté, ou bon, ou même ça vous permet éventuellement de négocier avec votre commerçant, on va dire de quartier, si par exemple vous avez détecté qu'il est, alors, je veux dire n'importe quoi, 495 € franco de port sur tel site internet, vous allez voir votre commerçant, dire voilà, je peux avoir machin, est-ce que vous pouvez faire un effort, et éventuellement, pourquoi pas, lui pourra s'aligner éventuellement, exceptionnellement. Voilà, il faut toujours négocier. Et puis ce que tu disais aussi par rapport aux frais de transport, c'est qu'il faut faire attention parce que quelquefois le prix de l'objet peut être à 10 € près, et puis on va se retrouver dans un site avec 30 € de frais de transport et chez l'autre, gratuit. Voilà. Donc finalement, c'est plus intéressant d'aller chez celui qui coûte 10 € de plus. Et qui a les frais de port gratuits, c'est exact. Et en sachant aussi que si on va chercher soi-même, si on trouve un magasin qui vend le même produit, aller à 10 € près, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller chercher soi-même et puis de faire le transport pour soi, quoi. Voilà. Et puis à 10 € près, tout dépend de ce qu'on achète, mais enfin, quelquefois, il vaut mieux faire vivre un commerçant du quartier. Bon, maintenant, c'est à 10 € près. Si c'est un article à 5 € et puis qu'il est à 15 € c'est l'article de machin, alors que ça vaut pas le coup. Mais si c'est une machine à laver à 300 €, bah, il vaut mieux la payer 10 € de plus et puis faire vivre un commerçant du quartier. Faut pas oublier ça non plus. Eh ben, écoute, très bien, Bertrand. Merci pour cette bonne chronique. Alors, on va passer directement à la deuxième pause musicale, parce que on est dans le timing de l'émission. Et vous le savez, Bruce Springsteen vient en concert en France cet été, dans le cadre d'une grande tournée européenne. Eh bien, voilà un de ses nombreux tubes qu'il interprétera lors de son concert. Un tube qui a tout juste 30 ans, c'est un anniversaire, et qui a servi de musique de film pour le film Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington, et qui évoquait pour la première fois le sujet du sida aux États-Unis. Ce film d'ailleurs a eu des Oscars et a eu aussi un grand succès en France. Alors on va écouter cette chanson phare du film interprétée par le boss. Ça s'appelle Street of Philadelphia et on se retrouve juste après. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Thank you. après cette très belle chanson de Bruce Springsteen, on se retrouve pour la troisième, dernière partie de notre émission. Et si vous nous rejoignez sur Fadjet, soyez les bienvenus à vous. Vous êtes dans l'émission Les Bons Plans Solidaires, animée par le groupe Solidaire Actif de l'association Arelia. Alors, pour cette troisième partie, on retrouve à nouveau Alain. Et Alain, t'as un super bon tuyau à nous donner, vas-y. La deuxième vie des légumes trop mûrs. Au marché de Nancy se trouve une case où ils vendent des bons légumes et des bons fruits bien étalés. Au bout de quelques jours, par le temps, par la chaleur, l'humidité, ces fruits commencent à ramollir ou changer de couleur. Monsieur Évrard a un rayon prévu pour ceci, qui coûte 1 € le kilo. C'est-à-dire que tous les légumes sont triés tous les jours par M. Évrard. Et il a beaucoup de clientèle. Eh oui, c'est un super bon plan, ça, quand on se promène au marché couvert de Nancy, chez Évrard, on sait que les fruits, ils ne les jettent pas. Et ils les gardent, justement, parce qu'ils sont encore bons, même s'ils peuvent être un peu passés par, comme tu dis, la chaleur. Et ils les soldent à 1 € le kilo, ce qui est vraiment une super affaire. Et on le remercie pour cette belle initiative qu'il fait depuis toujours, d'ailleurs. Moi, ça fait plus de 30 ans que je le connais, il a toujours fait, même ses parents. Voilà. Parce qu'au début, les gens qui étaient à côté de lui, pareil, dans le marché, ils les jetaient à la poubelle. Et, ou alors, ils donnaient les restaurants du cœur, mais les restaurants du cœur, on leur en donne tellement que des fois, ils refusent. Et alors, avec ces produits-là, un peu abîmés, vous pouvez faire une très bonne soupe de légumes, ou alors une très bonne tarte aux fruits. Eh ouais. Voilà. Bon appétit et à bientôt. Merci Alain. Super tuyau sur Nancy. Avant de terminer cette émission, je voulais laisser la parole encore à Bertrand, qui a un film à nous parler et qui est vraiment très très chouette. Alors Bertrand, c'est à toi. Oui, c'est Divertimento, c'est un film à aller voir absolument. C'est un film réalisé par Marie Castille, mention char, qui raconte l'histoire passionnante de deux sœurs jumelles. C'est une histoire vraie, enfin le film en tout cas est tiré d'une histoire vraie. Ce sont deux sœurs jumelles dont l'une rêvait de devenir chef d'orchestre et elle est réellement réussi à devenir chef d'orchestre, donc c'est Zaya Ziwani et sa sœur Fatouna qui est, elle, est devenue violoncelliste professionnelle. Donc ces deux jeunes filles, toutes jeunes, à l'âge de 16-17 ans, étaient passionnées de musique et Zaya avait entre autres le rêve de devenir chef d'orchestre et elle a vraiment réussi. Et donc c'est un film vraiment enthousiasmant parce qu'il donne l'espoir à tous les jeunes de banlieue de pouvoir réussir, vivre leur rêve, réussir quelque chose dans la vie. Entre autres grâce à la musique, mais quand on a une passion, une envie, même si on vient de banlieue, on réussit vraiment à devenir quelqu'un, et, enfin à devenir ce que l'on était déjà d'ailleurs. Et puis, C'est super, et je sais que c'est ta grande thématique ça. Alors, ah oui, et donc le Divertimento, c'est le titre du film, c'est également le nom de l'orchestre qui a été créé par Zaya Ziwani et qui existe encore, et c'est également une association. Allez voir sur internet Divertimento, D-I-V-E-R-T-I-M-E-N-T-O, et vous aurez plein d'informations. Et en ce moment, ce film passe au Caméo rue de la Commanderie encore jusqu'au 14 février, alors vous avez le temps de vous précipiter pour aller le voir. Voilà, ben merci Bertrand pour cette bonne info. Maintenant, on passe à notre célèbre jeu des anniversaires des célébrités. Donc, comme d'habitude, je donne quelques indices. Vous essayez de trouver de qui s'agit-il. Donc, on sait juste au début qu'il est né en février. Vous êtes prêts ? Prêt. Ouais. On y va ? On y va ! Allez, c'est parti. Je vais avoir 51 ans, car je suis né le 17 février 1972 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Mon père était maçon et ma mère était chef comptable. J'ai une scolarité moyenne, mais je découvre à 12 ans, en allant les mercredis avec l'école, le patinage. Je décide d'en faire mon métier à 14 ans. Je commence ma carrière à 16 ans comme patineur artistique. J'ai obtenu les médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 94 à Lillehammer et de 98 à Nagano. J'ai été également vice-champion du monde en 96. Et ensuite, à ma reconversion, j'ai décidé d'arrêter le patinage pour devenir commentateur sportif, notamment avec Nelson Montfort. Puis, j'ai fait de nombreuses émissions de divertissement avec Patrick Sébastien, Philippe Bouvard et bien d'autres. Je suis... Philippe Cordeiro. Bravo, Philippe Cordeiro. Un point pour Bertrand. Allez, on est prêt, on y retourne, c'est parti. Je suis né le 29 février 1948 à Paris, je vais donc avoir 75 ans. Mon père se prénomme Henri Messaoud et quitte Oran, mon père, dont il est originaire, pour Paris en 1937. Après avoir mené une vie de voyou, mon père, sous le nom de Trompe-la-Mort et de Riquet de Bastille, celui-ci devient représentant en vain. Mes parents me donnent mon prénom en hommage à l'acteur Gérard Philippe. Enfant, mes idoles sont Jerry Lewis et Fernandel. En 1972, je suis recalé au concours d'entrée du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et je me produis alors dans des cafés-théâtres aux côtés de Jean-Pierre Bacri. Durant presque 10 ans, nous allons faire un duo sur tous les cafés-théâtres de France. Repéré par Roger Hanna, il me confie une directrice de casting et je joue un petit rôle dans Rabbi Jacob. En 80, je deviens connu grâce à mes interprétations dans des films de tels que Diva et Le Grand Pardon. Ma popularité devient plus grande avec le film 37 Dolmatins. Puis je rencontre Claude Lelouch qui me fera tourner dans plusieurs de ses films dans les années 90. Et je tourne avec Les Nuls et Alain Chabat dans les films Astérix contre Cléopâtre. J'ai tourné dans plus de 40 films, 30 téléfilms. J'ai fait 2 albums de chanteurs, de chansons comme Crooner, car j'adore Frank Sinatra. Je suis. Pas de Pardieu. Non. Bah non, il s'appelle Gérard, mais il s'appelle Gérard parce que... Voir, hein. Bah oui, Gérard Darmon. Gérard Darmon, bravo Christine. Dans la maison de ma jeunesse, on écoutait les Duraton à la radio tous les soirs. Mon père riait derrière François. Un point pour Christine. Allez, on continue. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Je suis né le 1er février 1965 à Monaco. Je vais adolescente au collège Dupont-Loup à Boulogne-Billancourt. À 18 ans, je deviens styliste et je crée une ligne de maillot de bain. En 82, je survis à un accident de la route dont ma mère décédera de ses blessures. Où? Comment? Stéphanie de Monaco. Tu peux leur dire une dernière fois? Stéphanie de Monaco! Bravo! Je suis né le 7 février 1914 à Los Angeles, mais je suis anglais. J'ai donc eu 119 ans mardi dernier. J'ai tourné une 60aine de films. Le premier était célèbre est en 1919, après que mon père est créateur et cofondé la société United Artists, société de cinéma aux États-Unis. Mes plus célèbres films sont tournés en 1921, 1925 et 1936. Mes surnoms les plus courants sont The Immigrant ou The Trump. Je suis un personnage fictif et l'un des plus connus de célèbres du monde entier, même encore plus que l'ancienne reine d'Angleterre. Si je vous dis quelque chose du 49 et que mon nom en France est entré dans le langage commun et même qu'une bande d'acteurs et de chanteurs français ont porté mon nom. Et si je vous dis que je suis le personnage de fiction dans The Kid ou La Rue est vers l'or, je suis... Charlot. Tu sais dorer, je notre ce que ferai, je notre si t'avore, je la tout la qu'il a toi. Et à titre d'info, je vous invite tous à rejoindre le Centre culturel André Malraux le 22 février, car il y aura une diffusion du film Le Cirque, qui a été le premier film long-métrage, même s'il dure qu'une heure, de Charlie Chaplin, et qui est un film merveilleux. L'entrée est gratuite, Centre culturel André Malraux, à Vendôme. Allez-y, vous verrez, vous passerez un bon après-midi, c'est à 14h le 22 février. Voilà. Eh bien, notre émission maintenant des bons plans souvenirs se termine et nous espérons qu'elle vous a plu. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci Alain. Merci Lionel. Merci Khadija. Merci. Merci Joël. Merci Lionel. Merci Bertrand. Merci. Merci Christine de ta participation. Merci à toi Lionel. Et merci au public nombreux venu, qui est venu nous soutenir. Nous, dans quelques instants. Non, d'abord, je vous rappelle que vous pouvez aussi assister à notre émission, nous envoyer des bons plans solidaires par mail à gsa@relia-asso.fr. Dans quelques minutes, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe de Trésor en Forme qui va aujourd'hui vous donner uniquement des bonnes nouvelles, des bonnes infos, des bonnes idées de sortie et avec une météo à 25 degrés minimum. Bon courage les gars. Nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, avec plein de nouveaux et bons plans solidaires. Belle journée à vous, prenez soin de vous et rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao! Ciao! Sente la tu sentore, je notre so che fare, je notre si t'avore, c'è la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto, c'è la tu la ti la tua.